Mosaïque. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce rendez-vous de l'émission Mosaïque sur Isanganiro. Au fur et à mesure que les violences s'étendent à l'est de la République démocratique du Congo, les violences verbales prolifèrent à travers certains médias à l'ouest et sur les réseaux sociaux. Et du coup, des politiciens venant des Kivu qui manifestent une ambition pour diriger le pays sont systématiquement taxés d'être burundais ou rwandais par le fait qu'ils sont rwandophones ou kirundophones ou qu'ils ont vécu dans ce pays. Ce fut le cas avec le président du parti UNC, Vital Kamerhe, durant des années. C'est le cas aujourd'hui avec le docteur Denis Mukwege. Cela crée à la longue une double polarisation d'une part entre citoyens de l'Est et ceux de l'Ouest, d'autre part entre Congolais et citoyens des pays voisins, essentiellement le Rwanda et le Burundi, sur fond de préjugés et de suspicions. À travers le débat mosaïque d'aujourd'hui, nous parlerons de l'intégration des migrants entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Quelle plus-value sur la cohabitation entre les peuples? Comment l'exploration de l'accueil mutuel et de l'intégration des migrants peut-il casser les préjugés et les discours qui cherchent à instrumentaliser les identités au-delà des frontières? Comment peut-on renforcer le vivre ensemble en promouvant la compréhension des enjeux de l'accueil et de l'intégration des voisins? Nous revenons en effet sur la question des migrations pour montrer à quel point le Burundi et la RD Congo sont interdépendants et offrent des bénéfices évidents l'un à l'autre, notamment par l'acceptation mutuelle des citoyens. Il y a d'un côté de simples citoyens burundais qui migrent vers la RDC et vice-versa, et pour des causes variées. D'autre part, des intellectuels burundais qui ont vécu en RDC pour des études, acceptés, devenus des cadres dans leur pays et qui ont un témoignage à donner de l'autre. C'est le cas de Kavabuha Ichoitungie Juliette que nous avons l'honneur d'accueillir sur ce plateau. Elle a fait ses études en RD Congo, elle y a travaillé, elle a été ministre des Affaires sociales et de la promotion, de la femme du temps de la transition politique en 2003. Bonjour et bienvenue, Madame Juliette. Bonjour. André Tshisekedi Mulamba, vous vivez au Burundi, vous y exercez le métier d'enseignant depuis des dizaines d'années. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Léonce, je salue aussi les auditeurs et les téléspectateurs. Et puis nous sommes avec vous, Rémi Hazarimana. Vous êtes le président et représentant légal de l'organisation Maison Lueur d'Espoir. Vous êtes spécialiste en matière de résolution pacifique des conflits. Bonjour et bienvenue. Bonjour Léonce, bonjour les amis avec qui je partage l'émission, mais aussi ceux qui sont en train de nous suivre. La mise en onde est assurée par François Akimana et Désiré Nkurunziza, réalisation d'Alain Désiré Bukeneza et à la présentation, Léonce Pitaliho. Mosaïque. La radio Isanganiro traite une fois le mois les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia. Mosaïque. La première question, je l'adresse à vous, Kavabuha Ichoitungie Juliette, ancienne ministre. Vous avez vécu, étudié et travaillé en République démocratique du Congo. Et c'est d'abord une question d'ordre général avant d'entamer des particularités, peut-être pour votre cas précisément. Quelles circonstances qui ont poussé ou qui poussent même actuellement les citoyens du Congo et du Burundi à migrer vers un pays voisin? Merci pour la question, mais je vais me focaliser plus sur les circonstances qui ont fait que les Burundais aillent au Congo, parce que mon ami Tshisekedi en connaît plus sur les circonstances. Pour le cas des Congolais qui migrent vers le Burundi. D'accord, tout à fait. Oui. Alors, pour le cas des Burundais qui migrent vers le Congo, vous savez bien que les Burundais se retrouvent au Congo depuis belle lurette. Bon, c'est depuis l'époque précoloniale, l'époque coloniale, et puis autour des années de l'indépendance, et puis... Même l'époque précoloniale est incluse. Oui, je dirais, bon, c'est-à-dire que je ne vais pas trop m'y attendre parce qu'il y en a qui en savent plus, comme les historiens ou des politiciens qui peuvent le savoir. Mais je sais, ça, je sais qu'il y a eu des Burundais. Bon, alors, il y a eu, donc je parlais de l'époque de l'indépendance, mais il y a eu aussi les crises burundaises qui ont fait que beaucoup de Burundais se sont réfugiés en RDC. Mmh. Oui. D'abord au Zaïre qui est devenu RDC après. Et pour quelles circonstances, c'est-à-dire les crises qui se sont succédées? Oui, les crises. Mmh. Comment est-ce qu'ils sont intégrés? De manière générale, ils sont intégrés comment? Est-ce que ce sont des réfugiés? Est-ce qu'ils sont bien accueillis? Est-ce qu'ils ils reçoivent des emplois, etc. pour vivre? Bon, c'est plusieurs groupes, comme je vous l'ai dit. Mm-hmm. Les Burundais sont partis à différentes époques et selon des circonstances qui ne sont pas les mêmes. Mm-hmm. Mais dans tous les cas, quand vous les prenez dans l'ensemble, ils ont été tous bien accueillis là-bas. Ils ont été intégrés. Mm-hmm. Il y a des agriculteurs. Il y a des ceux qui ont travaillé, qui ont eu accès à des différents services. Il y a des Burundais qui ont été transportés en RDC, justement, dans les mines. Uh-huh. Et il y en a qui ont été en RDC parce qu'ils sont réfugiés. Uh-huh. Et ils ont étudié là-bas ou ils ont exercé des métiers là-bas. Il y en a qui choisissent d'aller étudier au Congo aussi. Uh-huh. Bon, vous voyez, c'est... Et tous ces groupes ont été bien accueillis. Tshisekedi Mulamba, André, vous êtes Congolais. Vous êtes de la communauté congolaise vivant au Burundi. Quelles seraient les circonstances qui ont poussé que vous migriez vers le Burundi? Et c'était quelle année? Au fait, les migrants congolais constituent plusieurs vagues de migration. Et moi, j'appartiens à la vague des Congolais qui sont venus dans un contexte de migration volontaire. Volontaire. Parce que je suis venu à la fin de mes études en quête d'emploi. En quête d'emploi. Oui, ainsi, je me suis retrouvé en province de Changuzo en 1985, où j'ai commencé ma carrière d'enseignant. Et aujourd'hui, je suis à... Vous avez traversé par où pour arriver à Changuzo? C'est à l'est du Burundi. Non, je suis passé par Gatumba. Uh-huh. Oui, parce que le ministère employeur se trouve à Bujumbura et de Bujumbura, on m'a affecté en province de Changuzo. Mm-hmm. C'était pour quel métier, enseignant? C'était pour le métier d'enseignant, enseignant de français. Et de façon générale, tous les Congolais venaient dans ces circonstances-là ou bien il y en avait d'autres? Oui, la plupart des Congolais qui sont venus entre 1980 et 1990 sont venus sous cette motivation-là, la quête d'emploi. Mm-hmm. Alors, c'est à partir de 1985, entre 90 et 2000, qu'on a vu un grand afflux de Congolais qui étaient venus pour chercher l'emploi d'enseignant. Mm-hmm. Est-ce que tous étaient des intellectuels? Oui. Ceux-là qui sont venus dans cette décennie-là, c'était des intellectuels. Vous, personnellement, c'était en quelle année? Vous venez de passer ici au Burundi combien de temps, combien d'années? Moi, je suis venu à la fin de mes études en 1985. Donc, je viens de réaliser 37 ans bien comptés. 37 ans. Mmh. Vous avez la nationalité? Oui, j'ai acquis la nationalité burundaise en 2005. Uh-huh. Donc, il y a de cela 16 ans. Vous vous en réjouissez? Oui, je m'en réjouis, d'autant plus que les fonctionnaires expatriés sont de la catégorie des sous-contrats. Mmh. Alors, quand j'ai acquis la nationalité burundaise, j'ai récupéré mon numéro matricule des agents sous statut et j'ai voulu aussi bien que les Burundais nationaux. Je reviens vers vous, Rémi Havzalimana de la Maison Lueur d'Espoir, expert en matière de résolution pacifique des conflits. Vous venez d'entendre quelles circonstances les Burundais ou les Congolais migrent vers un ou l'autre de ces pays voisins, des circonstances et leur accueil et votre point de vue, c'est comment? Vous permettrez peut-être que très brièvement, je revienne sur les différentes catégories. En fait, il faut souligner que les Burundais et les Congolais sont visités même avant que les frontières soient officialisées. Ils sont visités. Oui, ils sont visités tout simplement parce que il n'y avait pas de différence. Mm-hmm. Il y a, maintenant, ils sont Congolais et d'autres Burundais parce qu'il y a une frontière qui fait qu'à l'ouest, ce soit le Congo, à l'est, ce soit le Burundi. Mais rappelons-nous d'abord qu'avant la période précoloniale, sous la royauté, lorsque le Burundi s'agrandissait, c'est Sunare Rugamba qui a fait que la frontière ouest, au moins, soit celle que nous connaissons aujourd'hui. Mm-hmm. Mais là, il paraît que ces expéditions sont allées jusqu'à Bukavu. Donc, ils sont allés plus loin. Et là, à cette période, les militaires n'allaient pas et revenaient tous. Il y en a qui choisissaient de rester, ils y sont restés. Mmh. Et nous savons que d'ailleurs, plus tard, il y aurait un descendant royal qui serait revenu réclamer la royauté burundaise parce que durant son séjour là-bas, il se serait, disons, uni à une Congolaise à cette période-là. Et de là est né quelqu'un qui est venu réclamer. Donc, il y a des Burundais qui sont mouvés de cette manière-là. Et puis nous savons que sous la colonisation aussi, lorsqu'on commence à l'exploitation des mines au Congo, la colonisation s'est rendue compte qu'elle avait besoin plus de main-d'œuvre. Et ils ont pris quelques Burundais, quelques Rwandais qui sont allés s'installer de l'autre côté. Et là, ce n'est pas tout le monde qui revenait. D'ailleurs, la majorité restait là-bas. Et c'est aussi l'inverse, parce que nous savons que... Ils trouvaient que la vie meilleure, c'est mieux là. Non, c'est-à-dire que si vous passez à un endroit, vous y passez 10, 15, 20 ans, finalement, la vie s'installe là-bas. Et vous, à un certain moment, la délibération devient beaucoup plus de ce côté qu'ailleurs. Nous savons aussi qu'il y avait un mouvement inverse sous la colonisation, juste lorsque la Première Guerre mondiale prend fin et que la Belgique soit donnée, donc je veux dire que le Rwanda ou Burundi soit rattaché sur le Congo, il y a un mouvement d'Askari, c'est comme ça qu'on les appelait, des militaires et policiers et administratifs qui sont venus du Congo pour venir appuyer l'administration belge de l'époque. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous connaissons plusieurs habitants de Buyenzi, de Buiza, d'Ongagara, qu'on appelait Okaf à cette période, mais aussi d'autres qui sont venus pour appuyer l'administration belge et qui sont restés, sont mariant aux Burundais, et ainsi de suite. Donc il y a des mouvements de part et d'autre qui ont fait qu'il y ait des migrants. Mais voilà, donc tout cela, ce qui était important jusqu'à un certain moment, l'accueil était vraiment très amical, la cohabitation pacifique, mais malheureusement, ça se voit de temps en temps que ça ne manque pas d'inconvénients. Ça ne manquait pas. Et donc, on peut dire qu'ils partent comme... Il y a des Burundais qui sont partis comme réfugiés pour des raisons de crise et qui se sont succédées. Mais finalement, ils y trouvent de l'emploi, ils y trouvent de la vie. Oui, ils oui. Gagnent la vie. Exact. Et là, s'il faut le souligner, ceux qui sont partis comme réfugiés, ce n'était pas seulement de simples citoyens. On sait que même le roi Naré y est passé quelques jours avant de s'enfuir vers la Suisse. Donc, c'est de la sommité jusqu'à la base. Lorsqu'on a parlé effectivement que des Burundais allaient pour travailler et étaient bien accueillis. Donc, c'était vraiment d'abord historique du fait que les deux pays dépendants de la même colonie faisaient que les mouvements étaient beaucoup plus facilités, mais ça sera aussi beaucoup plus tard lorsqu'effectivement il y a échange des expertises. C'est le cas de ces enseignants qui sont venus lorsque le Burundi connaissait un besoin très criant à cette période. Et là, nous savons que le rapport a été très considérable parce que personnellement, j'ai été formé par 5e année, 6e année. J'ai été au primaire. J'ai été enseigné par ceux qui venaient dans ce vague-là. Donc, c'était important d'avoir... Des Congolais. Oui, des Congolais. Ici au Burundi, des Congolais. Oui, des Congolais qui venaient... Qui enseignaient à l'école primaire. À l'école primaire, oui. Sachant qu'ils grandissent ou... C'est... Pour mon cas, c'était probablement, je saurais plus tard que c'était ceux qui sont actuellement ou à la même époque appelés des Banyamulenge, dont la langue est très proche du Kirundi. Donc, ils nous enseignaient au primaire et on n'était pas les derniers, la preuve. Kavauha, Ichoyitungi et Juliette, je reviens vers vous. Quel serait l'accueil que vous avez reçu personnellement? Vous êtes partis dans quelles circonstances? Moi, je suis partie... Et en quelle année? Après la crise de 72. Mm-hmm. Bon, je ne suis pas partie tout de suite. J'ai attendu un peu. Je suis partie en 1974. Mm-hmm. Quand je suis arrivée là-bas, mon Dieu, la population zaïroise, à ce moment-là, n'avait pas vraiment une attention particulière sur les étrangers. Mm-hmm. On était accueillis, on allait, on venait... Mm-hmm. On n'était pas stigmatisé, pas du tout, pas du tout. Vous êtes parti à quel âge? Est-ce que vous avez continué? Bon, j'ai continué. Bon, quand je suis parti, j'avais mon petit diplôme de D4, mm-hmm. mais mon mari que j'ai rencontré là-bas parce que il venait de terminer ses études. Il est burundais. Il est burundais. Il est burundais. Vous l'avez rencontré au Zaïre. Oui, au Zaïre. Il venait de terminer ses études à Lovanium, à l'université Lovanium de Kinshasa. Mm-hmm. Et alors, je me suis mariée. Il m'a dit, bon, on est burundais. On ne doit pas faire la concurrence. Tu n'iras pas faire la concurrence dans l'enseignement avec un petit diplôme D4. Uh-huh. Quand tu es étrangère, il faut montrer une plus-value pour aller... sur le marché d'emploi. Et c'est comme ça qu'il m'a obligé. Il m'a obligé à poursuivre mes études. Pas conseillé, mais obligé. Non, pas conseillé. Il m'a obligé, presque. Parce que je me disais, une femme mariée à l'école, ah non, c'était bizarre pour moi. À ce moment-là, j'ai rejoint les études, l'école secondaire. Je devais terminer d'abord les humanités, parce que le D4, vous n'avez pas terminé les humanités. J'ai terminé les humanités. Ce qui était difficile pour moi, c'était les mathématiques. Mais mon mari était professeur de mathématiques, il était professeur de physique. Et il s'est attelé à m'apprendre les mathématiques à la maison. C'était un DAD. Je devais m'asseoir, il m'a appris la physique, les mathématiques. Si bien que pendant l'examen d'État au Congo, j'étais première à cet établissement. Super. Parce que l'encadrement était full. Et à proximité, vous comprenez. Et après, vous avez eu de l'emploi? Après, c'était d'abord le secondaire. Puis après, il m'a dit, allez, ma chère femme, avec un diplôme d'humanité, je ne suis pas encore satisfait. Première à l'école, oui, à l'examen d'État là-bas. Et il m'a dit, bon, avec un diplôme des humanités, je ne suis pas encore très satisfait. Les études supérieures. Oui. Et c'est comme ça qu'il va composer une lettre à mon insu. Oui. Il va composer une lettre, il va l'envoyer à Bukavu, à l'Institut supérieur pédagogique. Ah. Et un jour, il me dit, j'ai une nouvelle. Tu es inscrite à l'Institut supérieur pédagogique. Je suis inscrite sans que je n'ai demandé. Il me dit, je te dirai après. Et c'est comme ça que je suis allée aux études. À ce moment-là, ma santé était devenue déficiente. Et je voyais là un coup de salut pour aller changer de milieu, me faire soigner. Je suis allée à Bukavu, mais j'ai étudié, pas parce que je voulais réussir les études, mais parce que je voulais me maintenir en ville, me faire soigner et quitter la forêt. Parce que j'avais rencontré mon mari dans la forêt de... Quelle région? C'était juste la région de Kivu, mais juste au bordure de la forêt équatoriale. Mm-hmm. Alors, je suis venue à Bukavu, j'ai commencé les études, et comme j'avais une très grande motivation, je ne devais que passer en première session. Wow. Et voilà. Et vous terminez les études supérieures pour être embauché quelque part? Directement embauché quelque part dans un projet canadien. Uh-huh. Je quitte Bukavu pour aller travailler à Goma dans un projet canadien. Pour y passer combien d'intégration de la femme au développement. Uh-huh. IFD. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Genda. Nous avons commencé, donc la grand-mère de Genda, c'était l'intégration de la femme au développement. Et pour tout ce séjour, vous vous sentiez comme chez vous? Je n'ai jamais connu une seule phrase ou un seul geste de stigmatisation parce que j'étais burundaise. Non, jamais. Jamais. Vous, de votre côté, Tshisekedi Mulamba, André, vous êtes marié à une femme burundaise, c'est ça? Oui. Pas de stigmatisation pour la femme qu'elle a épousé un Congolais ou pour vous que vous avez épousé une femme étrangère, pas de stigmatisation lorsque vous arrivez par exemple de l'autre côté en RDC? Pas du tout, je n'ai pas rencontré de stigmatisation ni ici au Burundi, ni dans mon pays d'origine. Mm-hmm. Bon, je vous voudrais ici signaler que mon épouse est native de Moussaga, ici. Et mon beau-père est venu de Ngozi, mais il a vécu de son vivant ici à Moussaga. Mm-hmm. Alors, je me rendais en famille dès les fiançailles. Et je travaillais en province de Rigi à cette époque-là, mon épouse aussi. Et c'est comme ça que nous sommes rencontrés. On me recevait très bien avant que je ne me sois marié. Et quand je rentrais chez moi à Bukavu en vacances, il y a la famille qui me posait des questions, mes cousins, mes neveux, me demandant si j'allais épouser une Congolaise ou une Burundaise. Je leur disais que j'avais déjà une fiancée burundaise. Et en me demandant pourquoi je voulais d'une Burundaise, je me suis dit que je me suis retrouvé dans un pays qui est devenu ma deuxième patrie, où socialement les gens sont bien accueillants. Et ainsi, je trouvais que dans le contexte d'amour, sur le chapitre d'amour, il n'y a pas de barrière. Parce que je trouvais qu'une Burundaise valait bien aussi qu'une Congolaise. Oui. Est-ce que de l'autre côté, en République démocratique du Congo, vous n'avez pas été tenté lorsque vous, même si vous aviez soit une fiancée, soit que vous êtes déjà marié, est-ce que vous n'avez pas été tenté? J'étais tenté bien avant de venir même ici. Parce qu'avant de venir chercher l'emploi ici au Burundi, j'étais formateur dans un cadre de formation qu'on appelle le corps de la paix. C'est un cadre où venaient les volontaires américains pour apprendre les langues africaines avant d'être affectés dans les pays où ils devraient exercer. Alors là, je formais les Américains en français et j'ai eu à avoir des relations très affines avec certaines Américaines. Il y a même une Noire américaine qui pensait que j'allais la prendre en mariage, mais après coup, j'ai choisi de venir chercher de l'emploi et ça s'est arrêté là. Donc, je pense que je me suis senti très bien intégré socialement et que c'est cela plutôt qui m'a motivé à me marier une Burundaise. Vous êtes enseignant ici au Burundi. Vous avez parcouru combien d'établissements jusqu'ici, après 37 ans, oui, c'est oui, beaucoup. Oui, j'ai parcouru beaucoup d'établissements parce que j'ai commencé par ce qu'on appelait avant l'école de formation des instituteurs. Mm-hmm. C'est une structure qui formait les enseignants du primaire. EFI. Mm-hmm. Et alors, j'ai été affecté initialement à l'EFI Muyaga. Mm-hmm. Une année après, il y a eu un mouvement de redéploiement. Et je me suis senti victime du redéploiement parce que j'étais nouveau et célibataire. Alors j'ai été muté de l'EFI Muyaga vers le collège Nyanganda. C'était encore le collège à cette époque-là. De Nyanganda, c'est en province de Ruyigi. En province de Ruyigi, à 17 ou 18 kilomètres du chef-lieu de Ruyigi. Alors j'ai demandé une mutation pour Bujumbura parce que ma famille était toujours à Bukavu et elle avait besoin d'un coup de main de ma part. Et au lieu de me muter vers Bujumbura, j'ai été muté au lycée de Ruyigi. Et là j'ai passé 2 ans du lycée de Ruyigi. J'ai tenté encore une autre mutation, on m'a muté plutôt vers le lycée Chibitoke, en province Chibitoke à Rugombo. Et de Rugombo je suis venu ici à Bujumbura en 1996. Vous restez jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, oui. Finalement, Rémi Abdalimana de la maison Lueur d'Espoir, ces migrants, ils reçoivent de l'emploi, ils se sentent comme chez eux, donc ils y gagnent leur vie. Oui, ils y gagnent leur vie. Votre commentaire, votre observation? Ils y gagnent leur vie et c'est ce qui est caractéristique, si vous voulez, de la culture africaine en général et de la culture burundaise en particulier. Mm-hmm. Et je viens de l'apprendre de la culture congolaise aussi, ce qui est une bonne chose. En fait, on sait que dans nos cultures, l'accueil chaleureux, le respect de l'étranger, c'est plutôt l'inverse de plusieurs pays parce que généralement, un étranger qui vient présente une certaine vulnérabilité. C'est comme ça que les Burundais, et je viens de l'apprendre aussi, des Congolais, l'apprennent. C'est ce qui fait que vous êtes étranger, on sent qu'il faut vous aider. Il faut plutôt faciliter la vie, ainsi de suite. Ce qui est une bonne chose. Seulement, l'inquiétude revient lorsqu'il y vient les cas de crise. que l'on connaît malheureusement régulièrement dans nos pays, ce qui fait qu'en ce moment-là, on devient méticulé dans le choix, dans l'observation de qui est qui vient d'où et qui fait quoi. Donc, c'est à ce niveau donc, où les problèmes peuvent naître. Et sinon, je suis content d'entendre que nos deux pays s'entendent bien et s'accueillent mutuellement. Je rappelle qu'à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'intégration des migrants entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Quelle plus-value sur la cohabitation entre les peuples? Trois invités sont avec nous sur le plateau, à savoir Kavawuha Ichoitungiye Juliette, qui a fait ses études en RDC, ex-Zaïre. Elle a été ministre des Affaires sociales et du développement de la femme. André Tshisekedi Mulamba, congolais d'origine, il vit et travaille au Burundi depuis près de 40 ans. Il dit que c'est déjà 37 ans. Ainsi que Rémi Habzalimana, président et représentant légal de l'organisation Maison Lueur d'Espoir, expert en matière de résolution pacifique des conflits. Il se développe des préjugés chez certains citoyens congolais qui assimilent certains citoyens compatriotes de l'Est à des Burundais ou à des Rwandais. Exemple, Vital Kamerhe, qui fut président de l'Assemblée nationale et actuellement président du parti INC, UNC, ou Dr Denis Mukwege, qui a fait ses études de médecine à Bujumbura. C'est quelqu'un qui est connu aujourd'hui et qui, depuis des années, répare les femmes touchées par des fistules suite à des viols en RDC. Comment expliquer ce déni de citoyenneté de certains compatriotes de la part de certaines personnes ou dans une certaine presse de l'Ouest? Je reviens directement vers vous avec cette question, Rémi Habzalimana. Bon, merci de la question. Signalons d'abord que lorsqu'il y a une crise, la crise vient de quelque part. Mais pour le cas précis, c'est un problème de concurrence, je dirais, de positionnement au point de vue politique. Et je dois dire que là, c'est un cas peut-être dont nous parlons maintenant, mais c'est un cas très habituel, parce que s'il faut rentrer dans l'histoire de notre pays, ce qui plus tard deviendra ou sera qualifié d'ethnique, si vous allez dans les racines, vous vous rendrez compte que c'est un problème pareil. En fait, lorsqu'il s'agit de positionnement, chacun des concurrents voudrait occuper la première place. Et là, il n'y a pas vraiment d'amitié ou quoi que ce soit, c'est moi ou personne. Et là, ça se voit, s'il faut partir par exemple du cas du prince Louis Gwagasore, lorsqu'il fonde son parti Iprona, il a en face de lui ses cousins parallèles qui, eux, étaient à la tête du PDC. C'est les deux partis concurrents que l'on va avoir lorsque le Burundi va beaucoup plus traiter la question de l'indépendance. Le prince Louis Rwagasore est prônant pour l'indépendance immédiate, tandis que ses cousins, voudraient que l'on attende, que l'on forme, que l'on s'y habitue, et ainsi de suite. Mais lorsqu'il sera question justement de la primature, donc celui qui devrait être le premier ministre, les trois étaient vraiment de la même famille. S'il faut parler en termes ethniques, ils étaient de la même ethnie. S'il faut parler de région, ils étaient de la même région. Mais ils sont allés divergents jusqu'à ce que les uns planifient la mort. Donc, cela n'est donc pas étonnant pour le cas de Denis Mukwege ou Vital Kamerhe, parce que tout simplement, pour être dans le poste voulu, si l'un l'occupe, vous n'êtes plus là. Vous devez être absent. Alors, il faut trouver une raison qui ferait que l'autre soit éliminé, tout simplement. Alors là, il faut trouver une raison. Pour le cas de Mukwege, vous l'avez bien dit, il a fait ses études en médecine ici au Burundi. Il est de père et de mère congolais. Mais maintenant qu'on sait qu'il a eu un séjour au Burundi, n'ayant même pas eu de nationalité, voilà qu'eux, ils lui collent cette nationalité, justement pour que le non-averti croit que ce que l'on dit est vrai. Voilà, c'est des compétitions, je dirais, malhonnêtes qui se font pas seulement au Congo, pas seulement au Burundi, mais partout, la compétition, les Burundais le disent si mieux, on peut même inventer une injure pourvu que l'autre pense que ce que l'on dit est vrai. Votre observation, ce genre de stigmatisation, André Tshisekedi Mulamba, votre observation par rapport à ces stigmatisations opérées chez Denis Mukwege, docteur Denis Mukwege, qui est très connu en ces jours, et Vital Kamerhe, on n'en fait que citer peut-être cela, mais il y en a d'autres. Bon, cette forme de stigmatisation est née dans un contexte de guerre. Il n'y a pas que Denis Mukwege ou Vital Kamerhe. Même l'ex-président Kabila, à un certain moment, on a commencé à lui prêter la nationalité rwandaise, ses propres frères, parce que Kabila, le père, était père de plus de 60 enfants et de plusieurs femmes, marié à plusieurs femmes. Il a même père ici à Bujumbura. Plus de 60 ans. Oui, l'on dit bien que même ici à Bujumbura, il a laissé des enfants aussi. Oui. Alors, c'est devenu une sorte de style de vie politique là-bas. Quand quelqu'un accède à de hautes fonctions, on commence à lui prêter des origines autres. Et je pense que Vital Kamerhe, même l'épouse de l'actuel chef de l'État, Denise Nyakeru, on dit qu'elle est d'origine rwandaise, c'est pour cela qu'elle est toujours avec Jeannette Kagame, ainsi de suite. Bon, je pense que c'est une stigmatisation qui n'est pas bien fondée. Et aujourd'hui encore, il y a les Congolais d'expression rwandaise. Ceux-là qui sont devenus Congolais par l'histoire avec le découpage des frontières. Les Congolais de Rutshuru ou de Masisi, aujourd'hui, on leur prête d'être complices avec le mouvement M23. Et les autochtones sont méfiants vis-à-vis de ceux-là même qui étaient amis, frères hier, avant cette débauche de guerre. Parce qu'on se dit que s'ils parlent Kinyarwanda, il est tout à fait naturel, bien qu'il collabore bien avec l'ennemi. Ce n'est pas tout à fait bien fondé. Mais je pense que, en général, du côté du Burundi et de la RDC, je ne vois pas cette stigmatisation là-bas. Il y a beaucoup de Congolais qui sont venus après moi. Aujourd'hui encore, il y a des jeunes. Il y en a qui viennent aujourd'hui. Oui, il y a une vague d'étudiants qui viennent aujourd'hui. Il y a beaucoup d'étudiants qui fréquentent l'université de Ngozi. Il y a d'autres qui sont même ici à Bujumbura, notamment Europe. Il y a beaucoup de Congolais là-bas. Et ils se sentent bien intégrés dans les quartiers. Ils viennent boire à Bouiza, ils rentrent à 23h, à 1h du matin, sans être inquiétés. Donc cela témoigne de la disponibilité des Burundais et de bonnes relations que les Burundais tissent avec l'étranger. De bonnes relations, Madame Kavawa-Juliette Ichoyi Tungiye, ces stigmatisations, est-ce que vous pouvez en dire quelque chose? Nous parlons de Vital Kamerhe, de Denis Mukwege, mais ce ne sont pas que ceux-là. Quand vous parlez du cas de Denis Mukwege, qu'on connaît très bien, que j'ai connu d'ailleurs très bien, et de Vital Kamerhe, pour moi ce n'est pas un problème nouveau, c'est partout, ça se vit partout dans tous les pays, c'est comme ça. Il y en a ici au Burundi. Quand il y a la course, bon, mais comment donc? Bon, donc, on ne parle pas de soi. Hein. Je ne m'entraîne pas sur les terrains glissants. Et je dis que bon, c'est partout la même chose. Parce que quand il y a un petit gâteau à se partager, on essaie de balayer devant soi et d'essayer de courir seul pour attraper, pour confisquer le gâteau. En tout cas, Le plus gros morceau, ou bien même la totalité. Alors, ça, ce sont des courses politiques. C'est commun pour tout être humain. Et d'une manière générale, Madame Juliette, les défis, nous parlons de cette intégration des migrants burundais, congolais, vers des pays voisins, mais tout n'est pas rose. Les défis, selon vous, c'est comment? Moi, personnellement, si je dois me référer aussi au cas de mes consoeurs, des Burundaises qui sont partis là-bas, et des frères qui sont partis là-bas, vraiment, parce que, bon, en général, les Burundais au Congo ne se sont pas mêlés à la politique du Congo. Ils ont travaillé de leurs mains, ils ont travaillé avec leur intelligence, ils ont occupé de différents services techniques. On dit que les Burundais, une fois arrivés en terre étrangère, ils sont de bons travailleurs. De très bons travailleurs, de très très bons travailleurs. Alors, ils ont gagné leur vie sans être inquiétés. Seulement, ce défi a été perçu par les Burundais juste avec les différentes crises avec les crises qui les ont attrapés juste là, dans leur pays d'exil. Bon, quand ont commencé ces guerres d'expansionnisme, disons, c'est là où on a eu tendance à confondre Rwandais et Burundais. Cette confusion entre Rwandais et Burundais était même quand nous sommes arrivés, on ne savait pas le mot Burundais, ça n'existait pas. On nous prenait tous pour des Rwandais. J'ai entendu rarement parler du mot Burundais là-bas, dans le temps. Mais alors, quand il y a eu cette guerre depuis 1999, c'est là où on a commencé à parler de Burundais, parce qu'il y a un Burundais qui a défendu aux côtés des Congolais, qui a défendu vraiment, vaillamment d'ailleurs, vaillamment. Et alors, on a remarqué qu'il y avait des Burundais. Ah oui. Et on a commencé. Pour ceux qui n'étaient pas avisés, pour ceux qui étaient mal en point avec ces atrocités, ils disaient, eux, Burundais et Rwandais, ils sont venus nous agresser, voilà, voilà, voilà. Mais comme les Burundais ne se faisaient pas trop remarquer, ils n'ont pas connu beaucoup de difficultés. Et même maintenant, il y a des Burundais dans différents coins du Congo. Ils ne sont pas inquiétés. Même aujourd'hui, en témoignent les jeunes qui quittent le Bujumbura, autour de Bujumbura, pour aller chercher de l'emploi au Congo. Il y en a beaucoup qui y vont pour attraper un petit job ou quoi. Et ils ne sont pas inquiétés. Rémi Havdarimana, les défis, on dit que finalement, de toutes les façons, tout n'est pas rose. Les défis liés à cette intégration de ces Burundais ou Congolais migrants. Partons de la raison ou la cause même des migrations. Et ils l'ont dit, c'était un moindre mal. Que ce soit pour le cas de la ministre Kavabuha ou de M. Tshisekedi, c'est-à-dire que vous allez chercher le mieux ou le meilleur, parce qu'il y a quelque chose de gênant ou de risquant qui est là où vous êtes. Alors, c'est donc la première chose, éviter que les gens soient forcés de migrer. Si cela est fait, c'est-à-dire que les migrations seront volontaires. Et si on est à l'étape du volontariat, c'est-à-dire qu'on tend vers la réglementation de ces migrations. Mmh. Et ça serait déjà une façon d'éviter ça. Parce que les défis sont lesquels ? C'est lorsque M. Tshisekedi n'a peut-être pas détaillé son côté, mais le fait est qu'il ait eu envie de chercher la nationalité. Mmh. Cela sous-entend qu'il voyait déjà les méfaits du fait d'être expatrié. Le fait est qu'aujourd'hui, les étudiants dont il parle, dont l'effectif ne cesse de se gonfler, ils sont là, mais est-ce que ce ne sont pas ceux-là que nous voyons, qui sont dans des camions de policiers, qui sont régulièrement renvoyés vers la frontière? Parce que justement, il y a des questions qui ne sont pas assez éclaircies à ce niveau. Donc, l'autre revers de la médaille, comme on dit, c'est que souvent, les migrants sont minoritaires par rapport à la population où ils s'installent, et l'administration ne tient pas souvent compte de cette minorité pour que le secteur soit assez réglementé, pour que les personnes puissent effectivement faire tout ce qu'ils veulent convenablement. L'autre problème, c'est lorsque ils vont se réintégrer professionnellement. Sauf le cas de cette catégorie, de cette vague d'enseignants qui vont venir. Parce que justement, au niveau de l'employabilité burundaise, on se rend compte qu'on a besoin d'un personnel supplémentaire et que l'on va le demander et faciliter le cheminement. Mais malheureusement, maintenant, c'est le cas inverse. Et là, lorsqu'il y a des pistes d'emploi, la première conditionnalité de nationalité burundaise. C'est-à-dire que les migrants étrangers se retrouvent déjà exclus dans la compétition. Et là, c'est peut-être seulement à ce niveau, mais faudrait-il fouiller. Je ne sais pas comment est la situation au niveau de l'enseignement, mais lorsque je faisais le primaire, j'étais avec quelques élèves ou écoliers étrangers. En sixième année, il y avait le plafond pour les Burundais, le plafond plus élevé pour les étrangers. Donc, tu comprends que dans tous les cas, il y a des difficultés quotidienne liée avec le fait qu'on n'est pas du coin et que malheureusement l'administration locale ne tient pas assez compte de votre présence parce que vous êtes tellement minorisé. Et lorsqu'il faut le faire, et la voie ne va peut-être pas avec la vitesse voulue. Le dernier point peut-être, c'est le cas pour les deux, à entendre comment ils ont vécu leur moment dans le pays d'accueil. Ils n'ont pas connu assez de problèmes, mais ce n'est pas tout le monde qui vit comme ils ont vécu. C'est-à-dire, pour le cas des célibataires qui se retrouvent loin de leur famille, loin de du contexte culturel et familial, souvent, ils ont des difficultés de pouvoir se marier facilement. Lorsque, par exemple, leur choix n'est pas nécessairement bien accepté de leur famille. Ou carrément, la personne qui a peur de vivre ce défi se décide de ne pas se hâter à se marier. Et qu'il a des difficultés de pouvoir nouer des relations avec quelqu'un à distance. Et ce n'est pas un petit problème, ça. Donc, vous comprenez que tout n'est pas rose, comme vous l'avez si bien dit, mais les difficultés sont aussi de multiformes. Tu sais ce que dit Moulamba, André. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à des défis. Bon, je voudrais ajouter à ce que M. Rémy vient de dire, et à propos du caractère discriminant, et avec la conditionnalité d'être de nationalité burundaise pour obtenir un emploi, je pense que c'est une question déjà dépassée aujourd'hui. Et parce que même quand on est burundais, ce n'est pas tous les Burundais qui obtiennent un emploi. Pas tous. Et déjà, le secteur de l'éducation, c'était le secteur qui était pourvoyeur de beaucoup de postes et d'emplois. Aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a des dizaines de milliers de demandeurs d'emploi qui ne trouvent pas d'emploi. Il y a de cela 3 ans, le ministère de l'Éducation a fait passer un concours, parce qu'actuellement, on passe un concours même pour les enseignants, pour pouvoir obtenir l'emploi, un poste. Et on avait lancé un appel d'offres pour 2000 postes. Le ministère des Finances, c'est lui qui fixe le nombre de postes à pourvoir, les postes qu'il peut payer au courant de cette année-là. Alors, il y a 3 ans, on avait fait appel pour 2000 postes disponibles et il s'est présenté 22 000 candidats burundais. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas étonnant que les demandeurs étrangers ne trouvent pas d'emploi parce que les Burundais eux-mêmes ne peuvent pas tous être casés. C'est un problème. Oui, c'est un problème. Isanganiro. Oui, j'ai quelque chose à ajouter. Parce que les défis qu'a énuméré M. Rémy valent peut-être pour les Congolais qui vivent ici au Burundi. Ah oui. Mais pour les Burundais qui ont vécu au Congo, ces défis ne trouvent pas nécessairement de place parce que peut-être les Congolais qui sont venus au Burundi, vu la taille du Burundi, mais ils étaient peut-être, c'était un élément aussi à considérer. Mais nous, les Burundais, quand, au Congo, vous savez, le Congo, c'est grand comme un continent. On n'a pas connu ces problèmes de stigmatisation. Bien dire que celui-ci est burundais, d'abord la nationalité burundaise pour avoir ceci. Nous, nous n'avons pas connu ça. Nous n'avons pas connu ça. Tant que vous avez la parole, Kavabuha, Juliette, Choyitungiye, ces migrations, est-ce qu'elles pourraient ouvrir les esprits pour la jeunesse actuellement, pour y gagner sa vie? La jeunesse qui migre peut-être, la jeunesse burundaise qui migre vers la République démocratique du Congo, ou même vers le Rwanda, et des Congolais qui migrent vers le Burundi. Est-ce que ces migrations pourraient aider cette jeunesse à y gagner la vie? Mais ces migrations aident déjà les jeunes, beaucoup de jeunes. Bon, les jeunes qui vont travailler au Congo. Aujourd'hui, c'est volontaire. Ils cherchent à traverser. Bon, ce n'est pas officialisé, ce n'est pas... Mais ils se débrouillent pour traverser les frontières et aller au Congo. Parce qu'ils savent qu'ils vont mieux gagner que s'ils restaient ici. Ce que vous ne trouvez pas ici au Burundi, vous allez le trouver ailleurs. Et quand ils vont gagner leur argent, ils reviennent et ils investissent. Bon, et pas investir comme... n'entendez pas les gros investissements. Mais quand même, quand on a élégé mieux dans sa vie au quotidien, ça c'était un gain. Et puis, au niveau pour le Burundi, pour le pays, c'est un nombre, si petit soit-il, mais qui ne gonfle pas les jeunes sur les rues de Bujumbura. C'était déjà beaucoup. Si c'était réglementé, si c'était bien pensé au niveau des autorités, ça serait très bien. Les deux pays, le Burundi et le Congo, trouveraient un profit. Rémi Havzalimana de la maison L'URD d'Espoir, ces migrations finalement, ça pourrait aider la jeunesse à trouver de l'emploi. Bien sûr, comme elle le dit si bien. Au niveau tout au moins de cette région, la CPG. Oui, vous comprenez que elle le dit bien, si c'était réglementé, ça pourrait faire affaire. J'ai été surpris lorsque j'étais à Bukavu pour réaliser qu'il y a pas mal de Burundais qui travaillent. Mais je vais dire, par exemple, ils me disaient qu'ils ont plus confiance aux domestiques burundais que les domestiques congolais. Ils me disaient encore, là c'est ici à Uvira, que dans les cabarets, ils préfèrent employer des Burundaises et des Burundais que les Congolais. Ça, c'est une valeur ajoutée. C'est-à-dire que les Burundais, les jeunes qui le savent, peuvent effectivement se glisser et y aller. Mais comme elle le disait aussi, le problème, c'est qu'une fois là-bas, chaque fois qu'il y a patrouille quelconque, malheureusement, ces personnes se retrouvent hors la loi. Parce que ce n'est pas réglementé. Il va soit parce que nous ne pouvons pas demander le visa de séjour. Ils vont utiliser les documents disponibles. Et les documents disponibles, c'est notamment le document qu'on appelle communément CPGL, qui vous donne, je crois, 3 mois. Et là, vous y êtes. Mais vous êtes voyageur. Vous n'êtes pas résident. Donc, il faut chaque fois renouveler cette... Exact. Alors, ça, c'est un problème. Lorsque vous avez emploi et que, par exemple, vous vous rendez compte qu'il ne reste qu'une semaine que le document se périme, vous êtes dans l'obligation de revenir. Et si vous revenez, c'est tout ce que ça fait. Entre-temps, peut-être vous perdez l'emploi ou... En tout cas, vous comprenez qu'il y a des complications à ce niveau. Ces mouvements, c'est de l'argent qui s'en... Exact. Mais si c'était réglementé, maintenant qu'on sait que les Burundais font affaire, c'est les cabaretiers qui le savent. Ils en recruteraient plusieurs. Et les Burundais ne feraient que ceux qui, tout au moins, font cela, ne feraient qu'aller... un effectif assez important, comme elle l'a si bien dit, c'est l'effectif des chômeurs qui diminue. Ce n'est pas que ça, même au niveau de la maçonnerie. Je trouve qu'ils ont confiance aux maçons burundais que les maçons congolais. Or, vous savez justement, un maçon ici, si vous comparez le salaire d'un maçon ici et de l'autre côté, la différence est nette parce que de l'autre côté, c'est payé en devises, en dollars. Et s'il y est pour une semaine, la différence est vraiment nette. Mais le problème est celui-là, ce Burundais qui y va, comme ce n'est pas réglementé, il ne sait pas rester quand il veut, comme il veut, travailler comme il veut, parce que justement le secteur n'est pas réglementé. Donc c'est tout ça qui, une fois fait, ça ferait affaire. Mais on ne parle que de ceux qui vont au Congo. Mais le cas inverse aussi, les problèmes que rencontrent les étudiants congolais qui sont ici, qui sont régulièrement pris pour des hors la loi, alors que s'ils ont déjà une carte d'étudiant, l'administration devrait en tenir compte et faire en sorte qu'un étudiant soit traité comme un étudiant. On sait qu'un étudiant ne vient pas pour un trimestre, il vient pour toute une année, au moins. Et que tout cela soit réglementé, que cela soit fait de telle sorte qu'on sache que cet étudiant congolais qui vient au Burundi, c'est une valeur ajoutée pour sa famille, mais pour son pays. Mais tant qu'il étudie au Burundi, il paye le minerval au Burundi, il se rationne au Burundi. Donc, il est en train d'aider aussi au Burundi. Donc, réglementer cela ferait que vraiment tout le monde gagne de la présence de ce Burundais qui est au Congo comme la présence de ce Congolais qui est au Burundi. En résumé, M. Rémi Havzalimana, qu'est-ce que ces migrations pourraient-elles donner comme plus-value au niveau d'intégration politique et acceptation socio-économique? Je l'ai dit tout au début, les frontières ne sont que la fabrication coloniale. Et la preuve, c'est que les colonisateurs, eux, sont en train d'annuler leurs frontières chez eux. C'est-à-dire, si aujourd'hui j'ai un visa pour la France, c'est-à-dire que j'ai aussi, en même temps, le droit de visiter la Belgique, le Luxembourg, tous ces pays de la zone Schengen, comme on le dit, j'y vais sans difficulté, avec le même visa. Mais ici, chez nous, on n'atteint pas encore ce niveau. Je me dis, tout le monde est conscient que cela a été fabriqué à un certain moment et que le mieux de ses habitants devrait faire qu'un Burundais de Cibitoki ne nécessite pas un document pour se déplacer vers à quelques mètres de chez lui. En traversant la Russie et vice-versa. Parce que s'il a 100 kilos disons, de pommes de terre, ou de tomates qu'il voudrait vendre au-delà de la rivière et qu'il soit contraint de chercher un document. Vous comprenez que c'est contradictoire. Un document qui souvent coûte plus que le capital qu'il est en train d'utiliser. Tout ça, c'est des points qui, une fois bien étudiés, pourraient faire que les habitants de Cibitoki se développent plus facilement. Les habitants de l'Ouest, donc les Congolais qui sont près de Cibitoki, se développent plus rapidement parce que l'interaction serait plus aisée. Donc, il y a ce qu'il faut que l'administration fasse pour un peu amoindrir les problèmes qui sont en train d'empêcher les mouvements aisés de ces deux populations. Supprimer les frontières, c'est ce que dit Moulamba, André. Ces migrations, qu'est-ce qu'elles pourraient donner comme plus-value au niveau d'intégration politique et acceptation socio-économique? Je crois que la suppression des frontières, c'est un idéal, mais qui trouve un obstacle actuellement avec son contexte conflictuel. Déjà, à Katumba, ici, tout près, il y a un petit papier qu'on délivrait aux Burundais qui se rendraient à Uvira. Et ce petit document qu'on appelait Jirani Mwema. Jirani Mwema. Donc il y a des Burundais qui exercent un petit métier comme les maçons, les cultivateurs, qui au quotidien traversent, passent la frontière. Ils sont payés là-bas, ils ont des familles ici. Nous avons des Congolais qui travaillent à Uvira dans les organisations non gouvernementales ou dans la fonction publique, mais qui ont leur famille au Burundi. Kajaga, si les maisons de Kajaga ont vu une montée fulgurante du taux de loyer, c'est parce qu'il y a trop de Congolais qui ont fait déplacer leur famille à Kajaga tout en travaillant là-bas au Burundi. Donc il y a aussi un problème économique, le pouvoir d'achat, tout ça, qui fait que les gens quittent un pays pour l'autre et qui reviennent. Sinon, la RDC, République démocratique du Congo, et le Burundi sont intégrés au sein de la communauté est-africaine. Quelles perspectives? Des perspectives pour que les gens se sentent chez eux comme chez leurs voisins. Et je pense que la communauté est-africaine, c'est une communauté qui se trouve aujourd'hui à mi-parcours. Donc on n'a pas encore épuisé tous les aspects de l'intégration. La RDC ne vient que d'intégrer la communauté aujourd'hui. Il y a le passeport EAC qui n'est pas encore mis en application. Il y a l'union monétaire pour tous les pays membres qui pointe encore à l'horizon. Le marché commun aussi. Oui, le marché commun aussi. Donc il faudra passer par toutes ces étapes là-bas pour pouvoir voir si réellement l'intégration est optimale. Des perspectives, Madame et Juliette. Monsieur André vient de le dire. Tous ces préalables font, à la minute même, je dirais, c'est un frein à la vraie vie des populations qui sont vraiment en symbiose et qui pourraient jouir de leur déplacement Et intégration. Et intégration. Sinon, la question se pose encore à un niveau très supérieur. Est-ce que cette communauté est-africaine a aujourd'hui vraiment l'indépendance voulue? Est-ce que il n'y a pas de est-ce que l'Occident ou les autres ne téléguident pas certaines, ne tirent pas sur certaines cartes pour empêcher ceci ou cela? Donc il y a la donne politique qui nous dépasse maintenant et qui entend être résolue à un niveau supérieur. Donc, d'une certaine manière. Attendons voir, mais Attendons voir comment ça va se résoudre. Mais ce que nous pouvons faire aujourd'hui, ce que nous pouvons espérer, c'est que ces crises qui entachent nos relations, qui augmentent les suspicions entre les différentes populations, puissent s'arrêter. S'arrêter comment? Quand les ficelles sont tirées par des gens invisibles ou supposés ailleurs. Mais sinon, vraiment, entre... Si nous confinons seulement à l'RCD et au Burundi, en tout cas entre Burundais et Congolais, il n'y avait pas de problème du tout. Il n'y a pas de problème du tout. Mais seulement, la question nous dépasse. André, la sécurité. Plutôt Rémi Havzalimana, de la maison Lueur d'Espoir, et spécialiste en matière de résolution pacifique des conflits, des perspectives pour que les gens se sentent chez eux, comme pour chez le voisin. L'idéal, comme on l'a dit, serait que la fluidité au niveau des frontières soit aisée. Mais dans le contexte actuel, et souvent, qui d'ailleurs cause plusieurs autres problèmes, c'est que la cause même, le fait est qu'il y ait des crises, qui fait que, parce que le Burundi atteint tel niveau, l'opposition soit logée à l'extérieur du Burundi en général et souvent à l'est du Congo, effectivement, faciliter les entrées, les allers et retours présentent, tu comprends, ce problème sécuritaire. Et je me dis certainement d'ailleurs que l'administration s'y penche, mais qu'il y ait facilité de ceux qui sont en bon terme avec l'administration, qui n'ont pas de problème de part et d'autre dans nos deux pays, que... ceux qui veulent émerger et se spécialiser dans la maçonnerie étant burundais mais le faisant au Congo soit facilité et que l'administration en tienne compte pour que effectivement de telles choses se fassent. Le cas des étudiants, que ce soit au secondaire comme à l'université, parce que si la frontière est fluide, je ne sais même pas pourquoi un de primaire qui préférerait faire les cours au Burundi mais rentrant à Bukavu, à Uvira, pardon, ne le ferait pas. Donc, que tout ce qui limite la liberté des gens de se mouvoir soit vraiment amoindri, pour ne pas dire annulé, afin que les gens travaillent convenablement. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est au niveau, cette fois-ci, de la planification, je dirais, régionale. Nous l'avons dit, le Congo vient de regagner l'East African Community, ce qui sous-entend qu'il y a des projets inter-pays qui sont en train de se planifier à ce niveau. Je suis déjà content que la transnationale reliant la Tanzanie, et le Rwanda et le Congo, le Burundi, le Rwanda et le Congo, donc on voit qu'elle est déjà à l'œuvre et ne se termine pas encore, mais l'avancée est significative et c'est très encourageant. Nous entendons aussi parler de ce chemin de fer qui va encore une fois relier, cette fois-ci passant par le centre du pays, la Tanzanie, le Burundi et le Congo, ce qui sous-entend que ce dont nous parlons aujourd'hui, qui se présente comme problème au niveau des frontières, va se rétrécissant, parce que si vous prenez un train, je ne sais pas de quelle ville du Congo, et que vous allez en Tanzanie, c'est-à-dire que les vérifications se font même avant le départ. Donc, il y a des facilités qui iront avec. Mais ça sous-entend aussi qu'il y a des Congolais qui pourront facilement travailler au Burundi, n'offusque que sur ce projet. Il y a des Tanzaniens qui vont certainement travailler au Congo sur ce projet. Donc, si l'on a des projets intégrateurs, ça sous-entend qu'on est en train de travailler sur les blocages. Avec le temps, ça va se faire de soi. Exact, ça va se faire de soi. Mais faudrait-il que cet étudiant qui est là, qui a des difficultés aujourd'hui, sente qu'on est en train de travailler sur son cas. Ce commerçant ou ce manœuvre qui va à Bukavu ou à... ou vira travailler sans qu'on est en train de faire la même chose. Je suis content qu'on ait pensé à éclaircir la situation des Burundais qui vont dans les pays arabes et que maintenant on y travaille sérieusement. Faudrait-il que cela aussi ait lieu dans le voisinage pour qu'on n'ait pas des cas alarmants comme on en a connu ailleurs. Je crois que cela ferait que le voisinage soit complet. Merci, merci Rémi Hafzalimana. Je rappelle que vous êtes le président et représentant légal de l'organisation Maison Loueur d'Espoir. Merci d'être venu, merci de votre contribution. Je vous remercie, je remercie aussi les collègues avec qui on a partagé l'émission, mais aussi ceux qui sont en train de nous suivre. Tshisekedi Mulamba André, merci d'avoir été des nôtres pour cette émission Mosaïque. Merci de votre contribution. C'est plutôt à moi de vous remercier. Je remercie aussi les co-invités ainsi que les auditeurs, les téléspectateurs qui nous ont suivis. Madame Kavabuha Ichoitungé Juliette, ancienne ministre du temps de la transition politique en 2003, merci d'avoir été des nôtres. Merci de votre contribution à l'émission Mosaïque. C'est une joie pour moi d'avoir été ici avec vous. Merci beaucoup et merci à... J'ai fait connaissance avec ceux qui sont avec moi sur ce plateau. Et je remercie également ceux qui nous écoutent, qui nous ont suivis. Et s'ils ont des contributions, je serai très heureuse de les entendre. Merci. Et merci beaucoup. Merci. C'est donc par ici que nous mettons un point final à l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Une émission réalisée par Alain Désiré Boukeyeneza et à la présentation Léonce Vitaliho. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Isanganiro. Mosaïque.